Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Nisu honesedia zitu, usu jonambia zohirwa tini. Nisu honesedia zitu, usu jonambia zohirwa tini. La clé. Io la kile. Io la kile. Le verre. Io vera. Io vera. La montre. O montre. O montre. Les lunettes. Zizo lunette. Zizo lunette. Le téléphone. Io téléphone. Io téléphone. Le peigne. Io peigne. Io peigne. Les ciseaux. Yao makas. Yao makas. Le rasoir. Io rasoir. Io rasoir. L'enveloppe. Io enveloppe. Io enveloppe. Le crayon. Io crayon. Io crayon.